cœur. Beaucoup croient en toi. Et tu fais quoi en retour? Tu n'es pas là pour eux. Alors dis-moi à quoi tu sers. Et regarde, cette jeune femme vient de perdre le seul homme qu'elle aimait et découvre la douleur qu'une rupture peut émettre. Finalement, à quoi servent les promesses à paraître? Déçue lorsque l'on voit les soucis apparaître. Elle qui ne voyait que par lui dans sa vie, passe son temps à pleurer des rivières dans son lit. Blottie dans ses bras, elle se sentait rassurée. L'idée d'être remplacée pourrait bien la tuer. Les jours passent comme des semaines, les semaines comme des mois. La déprime te fait zapper des phrases comme aidez-moi. Elle se renferme sur elle-même dans sa coquille de noix. En toi, elle y croit et pourtant elle se noie. Comment se fait-il qu'elle te prie tous les soirs et que tu ne fais jamais rien qui lui redonnerait espoir? Cette femme finira par mettre fin à ses jours, suspendue au plafond de sa salle de séjour. Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois, montrer à tous ceux qu'on la foi que t'es bien là, que t'existes? Pourquoi tu persistes à rester juste un symbole, une image, un espoir? C'est tout ce qu'offre le Christ. Pourquoi tu réponds pas quand on parle, quand on prie, quand on crie, nom de Dieu ou qu'on râle? Pourquoi tu restes perché tout là-haut sur ton nuage? Tu ne vis que dans le cœur des croyants, tel un mirage. Regarde ses parents qui depuis 23 jours viennent voir leur fils inconscient tour à tour, renversé par un homme quelque peu étourdi, trop confiant, trop pressé, trop mal aujourd'hui. Les docteurs disent qu'il faut pas se faire un film, que ses chances de s'en remettre sont minces pour un film. Plongé dans le coma depuis l'impact, on sait très bien que s'il en sort, il sera loin d'être intact. Alors tous les jours, le père te prie, pendant que la mère au pied du lit crie. Et toi dans tout ça, tu te bouches les oreilles. Ils sont où tes pouvoirs de faire monts et merveilles? Ce gamin n'a que 13 piges et se bat comme un fou pour survivre. Malgré tout, il finira dans un trou. Je me demande à quoi servent les prières du coup. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une croix autour du cou. Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois, montrer à tous ceux qu'on la foi que t'es bien là, que t'existes? Pourquoi tu persistes à rester juste un symbole, une image, un espoir? C'est tout ce qu'offre le Christ. Pourquoi tu réponds pas quand on parle, quand on prie, quand on crie, nom de Dieu ou qu'on râle? Pourquoi tu restes perché tout là-haut sur ton nuage? Tu ne vis que dans le cœur des croyants, tel un mirage. Personnellement, je n'ai jamais vraiment cru en toi et la foi, c'est pas vraiment mon truc. Je comprends pas pourquoi certaines personnes t'adulent au point qu'ils veulent que leurs enfants fassent la même une fois adultes. Nombreux sont ceux qui vendent tes qualités en quantité, mais malheureusement, ils n'ont pas encore tissé que finalement, tout ce qu'ils croient, c'est du vent. Car tu es bien transparent, et ce qui est marrant, c'est que tout le monde est à fond dedans. Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois pour aider tous les gens qui meurent de faim, de soif ou de froid? Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois pour faire taire les gens comme moi qui ne crois absolument pas en tes histoires? Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois? Car Dieu est tout puissant, ce qui paraît, c'est ce qu'on dit, mais c'est rarement ce qu'on voit. Alors pourquoi tu descends pas? Car tu peux pas, t'existes pas, c'est mon avis, c'est mon choix. Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois, montrer à tous ceux qu'on la foi que t'es bien là, que t'existes? Pourquoi tu persistes à rester juste un symbole, une image, un espoir? C'est tout ce qu'offre le Christ. Pourquoi tu réponds pas quand on parle, quand on prie, quand on crie, nom de Dieu ou qu'on râle? Pourquoi tu restes perché tout là-haut sur ton nuage? Tu ne vis que dans le cœur des croyants, tel un mirage. Pourquoi tu descends pas rien qu'une fois, montrer à tous ceux qui ont la foi que t'es bien là, que t'existes? Pourquoi tu persistes à rester juste un symbole, une image, un espoir? C'est tout ce qu'offre le Christ. Pourquoi tu réponds pas quand on parle, quand on crie, quand on crie?